J'étais un homme heureux près d'un fleuve tout vert, et j'apercevais le ciel par des trous de lumière, et ça sentait l'orchidée, le soleil et l'ozone. Amazon, à l'avant de nos pirogues on pêchait le poisson. Quand le grand fleuve montait on changeait de région, et les saisons qui passaient n'étaient pas monotones. Amazon. Avec des lunettes noires, des machettes et des fusils et de l'alcool à boire, et de grands bulldozers peints en rouge et en jaune. Ah.